qu'elles aimaient vivre sans avoir de regrets, sans avoir de secrets, sans avoir de remords. J'aurais aimé vivre sans regarder derrière et sans voir la misère. J'aimerais être plus fort. J'aurais aimé vivre avec plein de passion, avoir une maison, une famille à moi. J'aurais aimé vivre sans laisser à la traîne mes amours et mes haines, en me moquant des lois. J'aurais aimé vivre loin des chemins, des routes, loin des peurs et des doutes où j'ai conduit mon âme. J'aurais aimé vivre au milieu des prairies, là où est née la vie, où l'eau est toujours calme. J'aurais aimé vivre dans un monde de musique, plein de chants magnifiques, où les mots ont un sens. J'aurais aimé vivre près des forêts lointaines où la vie semble règne et remplir les consciences. J'aurais aimé vivre sans jamais voir les chaînes que les peuples se traînent comme les religions. J'aurais aimé vivre sans voir toutes ces ruines qu'on rasait, qu'on piétine à grands coups de béton. J'aurais aimé vivre dans un monde différent où la soif de l'argent n'est pas tant d'importance. J'aurais aimé vivre, mais ce n'est qu'un beau rêve, où quand la vie s'achève, il n'y ait pas de souffrance. Avoir de secrets, sans avoir de regrets, sans avoir de remords. Yes. Thank you.